rester dans mes montagnes, que je ne reverrai sans doute plus. C'était mon château en Espagne que j'ai perdu. Tu reposas jamais là-bas, au pied de mon terrain de jeu, que tu arpentais avec moi, mais ça c'est vieux. Le temps n'avait pas d'importance lorsque l'on partait en balade. Maintenant je ressens ton absence, ça me rend malade. Plus le temps passe, plus tu me manques. Tu étais mon alter ego, plus précieux que mon compte en banque, mon vieux Nero. J'ai la mémoire toujours vivace, je peux me souvenir de tout. Tu prenais tellement de place, tu étais mon loup. J'ai encore l'impression d'avoir les doigts crispés dans ta fourrure lorsque tu te couchais le soir contre le mur. Je venais m'asseoir près de toi pour m'assurer de ton confort. Tu collais ta tête contre moi, tu étais si fort. Mais tu étais plein de tendresse, jamais de gestes trop brutaux. Et tu appréciais mes caresses comme un agneau. Mais il a fallu qu'on se quitte, tu avais bien rempli ma vie. Mais la tienne est passée trop vite, tu es parti. J'ai toujours gardé dans mon cœur ton image dans tous ses détails. Je sens même encore ton odeur qui me tiraille. Maintenant quand je parle de toi, en racontant un peu ma vie, j'ai comme un sanglot dans la voix, comme du dépit. Il remonte tant de souvenirs que parfois même j'en bafouille, et je sens monter le chagrin, mes yeux se mouillent. J'ai jamais réussi à mettre une barrière à ma mémoire. J'ai jamais pu te remplacer, j'en avais d'ailleurs pas envie. Mais je n'ai jamais oublié mon héros, mon chien, mon ami. Mon héros, mon chien, mon ami. Tu es resté dans mes montagnes que je ne reverrai sans doute plus. C'était mon château en Espagne, je l'ai perdu. Tu reposas jamais là-bas, au pied de mon terrain de jeu, que tu arpentais avec moi, mais ça c'est vieux.